Chapitre 10, le 9e article. Section 1. L'Église en général. Que nous enseigne le 9e article, la Sainte Église catholique, la communion des saints. Le 9e article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ a fondé sur la terre une société visible qui s'appelle l'Église catholique et que tous ceux qui font partie de cette Église sont en communion entre eux. Pourquoi, après l'article qui traite du Saint-Esprit, parle-t-on immédiatement de l'Église catholique ? Après l'article qui traite du Saint-Esprit, on parle immédiatement de l'Église catholique pour indiquer que toute la sainteté de cette Église dérive de l'Esprit-Saint qui est la source de toute sainteté. Que veut dire ce mot « Église » ? Le mot « Église » veut dire convocation ou réunion de personnes nombreuses. Qui nous a convoqués ou appelés à l'Église de Jésus-Christ ? Nous avons été appelés à l'Église de Jésus-Christ par une grâce particulière de Dieu, afin qu'avec la lumière de la foi et par l'observation de la loi divine, nous lui rendions le culte qui lui est dû et nous parvenions à la vie éternelle. Où se trouvent les membres de l'Église ? Les membres de l'Église se trouvent partis au ciel et ils forment l'Église triomphante. Partis au purgatoire, et ils forment l'Église souffrante. Partis sur la terre, et ils forment l'Église militante. Ces diverses parties de l'Église constituent-elles une seule Église ? Oui, ces diverses parties de l'Église constituent une seule Église et un seul corps, parce qu'elles ont le même chef qui est Jésus-Christ, le même esprit qui les anime et les unit, et la même fin qui est la félicité éternelle, dont les uns jouissent déjà et que les autres attendent. À quelle partie de l'Église se rapporte surtout ce 9e article ? Ce 9e article du Credo se rapporte surtout à l'Église militante, qui est l'Église dans laquelle nous sommes actuellement. Section 2. L'Église en particulier. Qu'est-ce que l'Église catholique ? L'Église catholique est la société ou la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent au même sacrement, et obéissent aux pasteurs légitimes, principalement aux pontifes romains. Dites précisément ce qui est nécessaire pour être membre de l'Église. Pour être membre de l'Église, il est nécessaire d'être baptisé, de croire et professer la doctrine de Jésus-Christ, de participer au même sacrement, de reconnaître le pape et les autres pasteurs légitimes de l'Église. Quels sont les pasteurs légitimes de l'Église ? Les pasteurs légitimes de l'Église sont le pontife romain, c'est-à-dire le pape, qui est le pasteur universel et les évêques. De plus, les autres prêtres, et spécialement les curés, ont, sous la dépendance des évêques et du pape, leur part de l'office de pasteur. Pourquoi dites-vous que le pontife romain est le pasteur universel de l'Église ? Parce que Jésus-Christ dit à saint Pierre le premier pape, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. » Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. » Et il lui dit encore, « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Tant de sociétés d'hommes baptisés qui ne reconnaissent pas le pontife romain pour leur chef n'appartiennent donc pas à l'Église de Jésus-Christ. Non, tous ceux qui ne reconnaissent pas le pontife romain pour leur chef n'appartiennent pas à l'Église de Jésus-Christ. Comment peut-on distinguer l'Église de Jésus-Christ de tant de sociétés ou sectes fondées par les hommes et qui se disent chrétiennes? On peut distinguer la véritable Église de Jésus-Christ de tant de sociétés ou sectes fondées par les hommes et qui se disent chrétiennes à quatre marques. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi dites-vous que l'Église est une? Je dis que la véritable Église est une parce que ses fils, à quelque temps et à quelque lieu qu'ils appartiennent, sont unis entre eux dans la même foi, le même culte, la même loi et la participation au même sacrement, sous un même chef visible, le pontife romain. Ne pourrait-il pas y avoir plusieurs églises ? Non, il ne peut y avoir plusieurs églises, parce que, de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême, il n'y a et il ne peut y avoir qu'une seule véritable église. Mais n'appelle-t-on pas aussi église l'ensemble des fidèles d'une nation ou d'un diocèse ? On appelle aussi église l'ensemble des fidèles d'une nation ou d'un diocèse, mais ce sont toujours des portions de l'église universelle et elles forment avec elle une seule église. Pourquoi dites-vous que la véritable Église est sainte ? Je dis que la véritable Église est sainte parce que Jésus-Christ, son chef invisible, est saint, que beaucoup de ses membres sont saints, que sa foi, sa loi, ses sacrements sont saints, et qu'en dehors d'elle, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de véritable sainteté. Pourquoi appelez-vous l'Église catholique ? J'appelle la véritable Église catholique, ce qui veut dire universelle, parce qu'elle embrasse les fidèles de tous les temps et de tous les lieux, de tout âge et de toute condition, et que tous les hommes du monde sont appelés à en faire partie. Pourquoi appelle-t-on encore l'Église apostolique ? On appelle encore la véritable Église apostolique parce qu'elle remonte sans interruption jusqu'aux apôtres, et parce qu'elle croit et enseigne tout ce qu'ont cru et enseigné les apôtres, et parce qu'elle est dirigée et gouvernée par leurs légitimes successeurs. Et pourquoi appelle-t-on encore la véritable Église Église romaine ? On appelle encore la véritable Église Église romaine parce que les quatre caractères de l'unité, de la sainteté, de la catholicité et de l'apostolicité ne se rencontrent que dans l'Église qui reconnaît pour le chef l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Comment est constituée l'Église de Jésus-Christ ? L'Église de Jésus-Christ est constituée comme une société vraie et parfaite. En elle, comme dans une personne morale, on peut distinguer un corps et une âme. En quoi consiste l'âme de l'Église ? L'âme de l'Église consiste en ce qu'elle a d'intérieur et de spirituel, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, les dons de la grâce et de l'Esprit-Saint, et tous les trésors célestes qui en sont dérivés par les mérites du Christ rédempteur et des saints. Et le corps de l'Église, en quoi consiste-t-il ? Le corps de l'Église consiste en ce qu'elle a de visible et d'extérieur, comme l'association de ses fidèles, son culte, son ministère d'enseignement, son organisation extérieure et son gouvernement. Suffit-il pour être sauvé d'être un membre quelconque de l'Église catholique ? Non, il ne suffit pas pour être sauvé d'être un membre quelconque de l'Église catholique. Il faut en être un membre vivant. Quels sont les membres vivants de l'Église ? Les membres vivants de l'Église sont tous les justes et eux seuls, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement en état de grâce. Et quels en sont les membres morts ? Les membres morts de l'Église sont les fidèles qui se trouvent en état de péché mortel. Peut-on se sauver en dehors de l'Église catholique, apostolique, romaine ? Non. Non. Hors de l'Église catholique, apostolique, romaine, nul ne peut se sauver, comme nul ne put se sauver du déluge hors de l'arche de Noé, qui était la figure de cette Église. Comment donc se sont sauvés les anciens patriarches, les prophètes et tous les autres justes de l'Ancien Testament ? Tous les justes de l'Ancien Testament se sont sauvés en vertu de la foi qu'ils avaient au Christ à venir, et par cette foi ils appartenaient déjà spirituellement à l'Église. Mais celui qui sent qu'il y est de sa faute se trouverait hors de l'Église, pourrait-il être sauvé ? Celui qui se trouve hors de l'Église sent qu'il y est de sa faute ou de bonne foi, aurait reçu le baptême ou en aurait le désir au moins implicite, qui chercherait en outre sincèrement la vérité et accomplirait de son mieux la volonté de Dieu, bien que séparé du corps de l'Église, serait uni à son âme et poursuit dans la voie du salut. Et celui qui, tout en étant membre de l'Église catholique, n'en mettrait pas en pratique les enseignements, serait-il sauvé ? Celui qui, tout en étant membre de l'Église catholique, n'en mettrait pas en pratique les enseignements, serait un membre mort de l'Église et poursuit ne serait pas sauvé. Parce que pour le salut d'un adulte, il faut non seulement le baptême et la foi, mais encore les œuvres conformes à la foi. Sommes-nous obligés de croire toutes les vérités que l'Église nous enseigne ? Oui, nous sommes obligés de croire toutes les vérités que l'Église nous enseigne. Et Jésus-Christ a déclaré que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Sommes-nous aussi obligés de faire tout ce que l'Église nous commande ? Oui, nous sommes obligés de faire tout ce que l'Église nous commande, car Jésus-Christ a dit au pasteur de l'Église « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise ». L'Église peut-elle se tromper en ce qu'elle nous propose de croire ? Non. Dans ce qu'elle nous propose de croire, l'Église ne peut pas se tromper, parce que selon la promesse de Jésus-Christ, elle est toujours assistée par le Saint-Esprit. L'Église catholique est donc infaillible ? Oui, l'Église catholique est infaillible. Aussi, ceux qui rejettent ces définitions perdent la foi et deviennent hérétiques. L'Église catholique peut-elle être détruite ou périr ? Non. L'Église catholique peut être persécutée, mais elle ne peut être détruite ni périr. Elle durera jusqu'à la fin du monde, parce que, jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ sera avec elle comme il l'a promis. Pourquoi l'Église catholique est-elle tant persécutée ? L'Église catholique est tant persécutée parce que son divin fondateur fut aussi persécuté, et parce qu'elle réprouve les vices, combat les passions, et condamne toutes les injustices et toutes les erreurs. Les catholiques ont-ils encore d'autres devoirs envers l'Église ? Tout chrétien doit avoir pour l'Église un amour sans limite, se regarder comme heureux et infiniment honoré de lui appartenir, et travailler à sa gloire et à son accroissement par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Section 3. L'Église enseignante et l'Église enseignée. N'y a-t-il aucune distinction entre les membres qui composent l'Église ? Entre les membres qui composent l'Église, il y a une distinction très importante, car il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés. Comment s'appelle la partie de l'Église qui enseigne ? La partie de l'Église qui enseigne s'appelle l'Église enseignante. Et la partie qui est enseignée, comment s'appelle-t-elle ? La partie de l'Église qui est enseignée s'appelle Église enseignée. Qui a établi cette distinction dans l'Église ? Cette distinction dans l'Église a été établie par Jésus-Christ lui-même. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont donc deux Églises distinctes. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont deux parties distinctes d'une seule et même Église. Comme dans le corps humain, la tête est distincte des autres membres et cependant forme avec eux un corps unique. De qui se compose l'Église enseignante ? L'Église enseignante se compose de tous les évêques, soit dispersés dans l'univers, soit réunis en concile avec à leur tête le pontife romain. Et l'Église enseignée, de qui est-elle composée ? L'Église enseignée est composée de tous les fidèles. Quelles sont donc les personnes qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner ? Ceux qui ont dans l'Église le pouvoir d'enseigner sont le pape et les évêques, et sous leur dépendance, les autres ministres sacrés. Sommes-nous obligés d'écouter l'Église enseignante ? Oui, sans aucun doute, nous sommes tous obligés d'écouter l'Église enseignante sous peine de damnation éternelle. Car Jésus-Christ a dit au pasteur de l'Église en la personne des apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise. » En dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a-t-elle quelque autre pouvoir ? Oui, en dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a spécialement le pouvoir d'administrer les choses saintes, de faire les lois et d'en exiger l'observation. Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique vient-il du peuple ? Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu. À qui appartient l'exercice de ces pouvoirs ? L'exercice de ces pouvoirs appartient uniquement au corps hiérarchique, c'est-à-dire au pape et aux évêques qui lui sont soumis. Section 4. Pape et évêque. Qu'est-ce que le pape ? Le pape, que nous appelons aussi le souverain pontife ou encore le pontife romain, est le successeur de Saint-Pierre sur le siège de Rome, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre et le chef visible de l'Église. Pourquoi le pontife romain est-il le successeur de Saint-Pierre ? Le pontife romain est le successeur de Saint-Pierre parce que Saint-Pierre réunit en sa personne la dignité d'évêque de Rome et de chef de l'Église et que, par un dessein de la Providence, il établit son siège à Rome et y mourut. Aussi, celui qui est élu évêque de Rome est aussi l'héritier de toute son autorité. Pourquoi le pontife romain est-il le vicaire de Jésus-Christ ? Le pontife romain est le vicaire de Jésus-Christ parce qu'il le représente sur la terre et qu'il tient sa place dans le gouvernement de l'Église. Pourquoi le pontife romain est-il le chef visible de l'Église ? Le pontife romain est le chef visible de l'Église parce qu'il la dirige visiblement avec l'autorité même de Jésus-Christ, qui en est le chef invisible. Quelle est donc la dignité du pape ? La dignité du pape est la plus grande de toutes les dignités de la terre et elle lui donne un pouvoir suprême et immédiat sur tous les pasteurs et les fidèles. Le pape peut-il se tromper en enseignant l'Église ? Le pape ne peut pas se tromper. Il est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les mœurs. Pour quel motif le pape est-il infaillible ? Le pape est infaillible à cause de la promesse de Jésus-Christ et de l'assistance continuelle du Saint-Esprit. Quand est-ce que le pape est infaillible ? Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit pour être tenu par toute l'Église une doctrine concernant la foi et les mœurs. Quel péché commettrait celui qui ne croirait pas aux définitions solennelles du pape ? Celui qui ne croirait pas aux définitions solennelles du pape, ou même simplement en douterait, pécherait contre la foi, et s'il s'obstinait dans cette incrédulité, il ne serait plus catholique mais hérétique. Dans quel but Dieu a-t-il concédé au pape le don de l'infaillibilité ? Dieu a concédé au pape le don de l'infaillibilité afin que nous soyons tous sûrs et certains de la vérité que l'Église enseigne. Quand fut-il défini que le pape est infaillible ? L'infaillibilité du pape fut définie par l'Église au Concile du Vatican, et si quelqu'un osait contredire cette définition, il serait hérétique et excommunié. L'Église, en définissant l'infaillibilité du pape, a-t-elle établi une nouveauté dans la foi ? Non, en définissant que le pape est infaillible, l'Église n'a point établi une nouveauté dans la foi, mais, pour s'opposer à de nouvelles erreurs, elle a défini que l'infaillibilité du pape, contenue déjà dans l'Écriture sainte et dans la tradition, est une vérité révélée de Dieu et que, par conséquent, il faut la croire comme un dogme ou un article de foi. Comment tout catholique doit-il se comporter à l'égard du pape ? Tout catholique doit reconnaître le pape comme le Père, le pasteur et le docteur universel, et lui demeurer unis d'esprit et de cœur. Après le pape, quels sont, en vertu de l'institution divine, les personnages les plus vénérables dans l'Église? Après le pape, en vertu de l'institution divine, les personnages les plus vénérables dans l'Église sont les évêques. Que sont les évêques? Les évêques sont les pasteurs des fidèles établis par l'Esprit-Saint pour gouverner l'Église de Dieu sur les sièges qui leur sont confiés, sous la dépendance du pontife romain. Quel évêque dans son propre diocèse? Dans son propre diocèse, l'évêque est le pasteur légitime, le père, le docteur, le supérieur de tous les fidèles, ecclésiastiques et laïcs, qui appartiennent à ce diocèse. Pourquoi l'évêque est-il appelé le pasteur légitime? L'évêque est appelé le pasteur légitime parce que la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a de gouverner les fidèles de son propre diocèse, lui a été conféré selon les règles et les lois de l'Église. De qui le pape et les évêques sont-ils les successeurs? Le pape est le successeur de Saint-Pierre, prince des apôtres, et les évêques sont les successeurs des apôtres en ce qui regarde le gouvernement ordinaire de l'Église. Le fidèle doit-il rester uni avec son évêque? Oui, tout fidèle, ecclésiastique et laïque, doit rester uni de cœur et d'esprit avec son évêque, en grâce et en communion avec le siège apostolique. Comment le fidèle doit-il se comporter avec son évêque? Tout fidèle, ecclésiastique et laïque doit respecter, aimer et honorer son évêque et lui prêter obéissance en tout ce qui se rapporte aux soins des âmes et au gouvernement spirituel du diocèse. Quels sont les auxiliaires de l'évêque dans le soin des âmes? Les auxiliaires de l'évêque dans le soin des âmes sont les prêtres et principalement les curés. Qu'est-ce que le curé? Le curé est un prêtre délégué pour être à la tête d'une portion du diocèse appelée paroisse et pour la diriger sous la dépendance de l'évêque. Quels devoirs ont les fidèles envers leur curé? Les fidèles doivent se tenir unis à leur curé, l'écouter docilement et lui témoigner respect et soumission en tout ce qui regarde le soin de la paroisse. Section 5. La communion des saints. Que nous enseigne le 9e article du Credo par ces mots, la communion des saints? Par ces mots, la communion des saints, le 9e article du Credo, nous enseigne que dans l'Église, en vertu de l'union intime qui existe entre tous ses membres, tous les biens spirituels, tant intérieurs qu'extérieurs, qui leur appartiennent sont communs. Quels sont dans l'Église les biens intérieurs communs? Dans l'Église, les biens intérieurs communs sont la grâce reçue dans les sacrements, la foi, l'espérance, la charité, les mérites infinis de Jésus-Christ, les mérites surabondants de la Sainte Vierge et des saints, et le fruit de toutes les bonnes œuvres qui se font dans l'Église. Quels sont les biens extérieurs communs dans l'Église? Les biens extérieurs communs dans l'Église sont les sacrements, le sacrifice de la Sainte Messe, les prières publiques, les cérémonies religieuses et toutes les autres pratiques extérieures qui unissent ensemble les fidèles. Est-ce que tous les fils de l'Église entrent dans cette communion de biens? Dans la communion des biens intérieurs entrent seulement les chrétiens qui sont en état de grâce. Ceux qui sont en état de péché mortel ne participent pas à tous ces biens. Pourquoi ceux qui sont en état de péché mortel ne participent-ils pas à tous ces biens? Parce que c'est la grâce de Dieu, vie surnaturelle de l'âme, qui unit les fidèles à Dieu et à Jésus-Christ comme ses membres vivants, et qui les rend capables de faire des œuvres méritoires de la vie éternelle. Et parce que ceux qui se trouvent en état de péché mortel, n'ayant pas la grâce de Dieu, sont exclus de la communion parfaite des biens spirituels, et ne peuvent faire des œuvres méritoires de la vie éternelle. Les chrétiens qui sont en état de péché mortel ne retirent donc aucun avantage des biens intérieurs et spirituels de l'Église? Les chrétiens qui sont en état de péché mortel retirent encore quelque avantage des biens intérieurs et spirituels de l'Église, parce que, conservant le caractère du chrétien qui est indélébile, et la vertu de la foi qui est la racine de toute justification, ils sont aidés par les prières et les bonnes œuvres des fidèles à obtenir la grâce de la conversion. Ceux qui sont en état de péché mortel peuvent-ils participer aux biens extérieurs de l'Église? Ceux qui sont en état de péché mortel peuvent participer aux biens extérieurs de l'Église, pourvu qu'ils ne soient pas séparés de l'Église par l'excommunication. Pourquoi les membres de cette communion sont-ils dans leur ensemble appelés saints? Les membres de cette communion sont appelés saints parce que tous sont appelés à la sainteté, que tous ont été sanctifiés par le baptême, et que beaucoup parmi eux sont déjà parvenus à la parfaite sainteté. La communion des saints s'étend-elle aussi au ciel et au purgatoire? Oui, la communion des saints s'étend aussi au ciel et au purgatoire, parce que la charité unit les trois églises, triomphantes, souffrantes et militantes. Et les saints prient Dieu pour nous et pour les âmes du purgatoire et nous-mêmes. Nous rendons gloire et honneur aux saints, et nous pouvons soulager les âmes du purgatoire en appliquant à leur faveur messe, aumônes, indulgences et autres bonnes œuvres.